Un jour on chasse un autre. Un jour on chasse un autre. Un jour on chasse un autre. Les traites sont sur nos côtes. Me donne, c'est pas de ma faute. Dans tous les pièges je saute. Tout est à portée de main. Nique sa mère demain. On veut dire Versace Balmain. Prends-moi par la main. J't'emmène sur la lune. Hey. Je vais sortir mon flingue pour combler mes lacunes. Hey. Faut des thunes. Hey. Mettre la daronne à l'abri, y'en a qu'une. Y'en a qu'une, y'en a qu'une, y'en a qu'une. J'suis trop perché. J'n'ai jamais versé. La rue m'a bercé. Viens pas nous faire chier. Ne pas se laisser abattre. Défendre la vie jusqu'à la mort. J'navigue comme ces zodiacs remplis de kills. J'suis Anadon. Je ne veux plus parler. Je veux m'en aller. Des fois j'suis perché. J'suis calé. Je ne fais que gamberger. L'arc-en-ciel me jalouse. Le chat est un lion pour la souris. Je veux les débusquer. Au coup, bien pourri. Même le nom, il est musqué. Je te souris, y'a pas de salade sur mes dents. Ce sont mes crises. Jo, Cubanix. J'suis dans le vide, j'pense à la Brinks. Bitch, t'es trop bonne. Sur ma vie, j'fais pas crari. J'fais mon Qatari. Parce que ton boule, c'est une Ferrari. On a grandi dans les tours. On a joué dans la cour. On a bibi dans les fours, adieu jusqu'à mon retour. J'suis un dissident, quand les soldats obéissent, personne ne me comprend, où mes rêves s'évanouissent. Je ne veux plus parler. Je veux m'en aller. Des fois j'suis perché. J'suis calé, je ne fais que gamberger. Je ne fais que dans